va parler de tennis avec notre amie Caroline Delisle. Salut Caroline! Bonjour. Caroline, quel beau US Open! Hein? Il y a des gens qui disent, les experts disaient que c'est un des plus beaux US Open, je dirais, des 25-30 dernières années. Moi, je peux pas te dire, là, mais es-tu d'accord que c'est un des bons US Open? Oui, ben moi, en tout cas, le US Open, c'est vraiment un de mes tournois favoris à regarder parce que c'est tout le temps des belles heures. C'est pas comme, c'est sûr, Wimbledon, Roland-Garros, l'Australienne, tout ça, c'est des beaux tournois, mais tu sais, des fois, c'est dans la nuit, des fois, c'est, tu sais, les heures ne fitent pas toujours. Fait que tandis que le US Open, on aime ça, là, tu sais, on voudrait même pas que ça arrête, là, les vrais partisans, là, on dirait qu'on est prêt à se coucher tard à tous les soirs, puis regarder des beaux matchs, puis c'est New York, hein, fait que c'est sûr qu'on le sait que c'est un gros stade, il y avait beaucoup de monde, le stade était plein. Je pense que les joueurs et joueuses ont beaucoup apprécié aussi, là, leur séjour à New York, justement en raison de ça, parce que là, il y a beaucoup de place dans le monde où est-ce que c'est pas à pleine capacité, là, les stades, là. Fait que c'est certain que pour eux autres, ils ont eu beaucoup d'encouragement, puis surtout notre Québécoise, Léla, là, qui a eu beaucoup d'encouragement tout au cours de son séjour à New York. Puis, en tout cas, on a assisté à vraiment de l'excellent tennis. Il y a eu vraiment des matchs là, très relevés, autant chez les femmes que les hommes. Des matchs là, en 5-7, en 3-7 chez les femmes, chez les hommes, là, c'est des matchs vraiment divertissants. Puis, en tout cas, moi, je pense que c'est ça, là, ça va vraiment nous laisser là, un beau souvenir là, dans notre tête là, d'avoir vu tous ces beaux matchs-là. Puis ça donne le goût aux gens aussi, justement, d'en voir d'autres, puis de peut-être pratiquer le tennis aussi éventuellement. Ben, j'espère, hein, parce que tu sais, c'était vraiment le fun de voir ça, là. Puis écoute, avant d'entrer du jeu, on va y aller avec Leila Fernandez. C'est incroyable, hein, écoute, battre le squash 4 top 10. Ouais, c'est ça. Elle a battu plein de d'ex-championnes numéro un. Écoute, elle a commencé avec Osaka. Après ça, c'était Kerber. Tu sais, des gagnantes en grand chelem, là. C'est pas rien. Svitolina qui a gagné aussi deux grands chelems, qui est comme cinquième au monde. Tu sais, c'est sûr qu'elle a fait tout un parcours, là, notre Québécoise. Puis, on s'attendait pas non plus, là, qu'elle avait tout gagné ces matchs-là. Puis, elle a battu Sabalenka qui est deuxième au monde. Fait que, ça a pas arrêté. Bon, malheureusement, en finale, elle s'est inclinée, mais disons qu'elle avait vraiment une adversaire coriace en avant d'elle qui était quand même plus reposée dans un sens. Elle avait joué plus de matchs, mais tous ses matchs avaient été gagnés en 2-7. Fait qu'elle s'est qualifiée, puis ensuite, elle a réussi à pas perdre aucune manche, gagner tous ses matchs en 2-7. C'est quand même un exploit incroyable. Puis, elle a un jeu de jambes exemplaire aussi. Fait que c'est sûr qu'on sentait que Léla était peut-être un peu fatiguée. C'est sûr, il y a beaucoup d'émotions, hein, aussi, là. C'est pas juste au niveau physique, c'est au niveau mental, là. Tu sais, tu bats des ex-championnes comme ça, ça devient fatigant. Il y a beaucoup d'entrevues avec les médias. C'est des choses qui sont pas nécessairement habituées, hein, ces jeunes-là, à faire de jour en jour. Puis là, tout d'un coup, tu deviens une vedette presque internationale. Même si, bon, nous, on la connaissait au Québec, tout ça, mais elle était quand même 73e au monde. Elle n'était pas quand même si connue que ça encore. Elle n'avait pas encore fait ses preuves, ses marques, mais là, je peux vous dire que, disons qu'il y a beaucoup de monde qui vont retenir son nom, puis à New York, les New Yorkais l'ont vraiment adopté, puis ils l'ont encouragé tout au long du US Open. Donc, elle s'est mise sur la map, hein. C'est une battante, une combattante, elle est tellement dynamique, un beau sourire, très, très, très gentil avec tout le monde. Fait que je pense que c'est vraiment c'est son avantage. De fin, puis elle devrait signer des gros commentaires. Ouais, elle a fait allusion au 11 septembre, là, parce que c'était le 11 septembre, évidemment. Hein. Ça, elle a dû se faire apprécier, comme qu'on dirait, là. Ben oui, c'est sûr, hein, parce que ça a été comme spontané. Elle a repris le micro, puis là, c'est justement à parler de ça. Puis, tu sais, elle est très, très terre-à-terre et gentille. En tout cas, j'espère que ça va quand même l'aider beaucoup là au niveau de sa carrière. Puis, je pense qu'elle a appris des belles choses, puis en espérant aussi qu'elle va rester elle-même, puis qu'elle va toujours être aussi disponible, hein, puis aussi, c'est ça, parce que même ici, elle a joué au Challenger Banque Nationale, puis on n'avait jamais de difficulté avec elle, là, à demander là, justement de prendre des photos avec des jeunes, avec des gens, signer des autographes, très, très généreuse de son temps. Puis, je pense qu'elle va rester comme elle est parce qu'elle a vraiment des belles valeurs, puis elle a une bonne famille. Elle a appris des belles choses, là, je pense, dans sa jeune carrière. Puis, en tout cas, on est très, très content pour elle parce que là, elle va grimper au classement. Elle n'aura plus besoin là, de faire de qualification. 27e. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Tu sais, je pense que personne ne s'attendait à un parcours comme ça. De mon côté, bon, c'est pas que c'est pas surprenant, mais elle a beaucoup de talent. Elle a beaucoup de talent, mais elle démontre surtout beaucoup de combativité. Tu sais, c'est une jeune qui a soif de victoire, puis elle vise le top 5, puis peut-être même plus. Elle veut être là au sommet. Là. Donc, elle le fait chez les juniors, hein, en étant classée deuxième au monde junior. Elle avait gagné Roland-Garros. Mm. Fait que souvent, hein, quand ils connaissent des belles carrières au niveau junior, tout comme Eugénie, comme Bianca, ben souvent, ils vont atteindre les grands sommets aussi chez les professionnels, ouais. En autant qu'ils sont capables de rester en santé. Là. Mais en tout cas, on voit que le tennis canadien là, se porte vraiment très bien, autant chez les femmes que chez les hommes. Puis c'est encourageant pour notre relève parce que on n'est pas quand même le pays au monde le plus populeux, mais on réussit à former des super joueurs de tennis. Puis c'est super positif. Là. OK. La suite des choses pour elle, je pense que c'est Indian Wells que j'ai entendu parler. Donc, Indian Wells qui est dans un mois et demi. Évidemment, ça, c'est un gros tournoi de 1000. Donc, ça va être intéressant à suivre. On va prendre un petit repos bien mérité. Ouais, ouais. Félix Auger-Aliassime, lui qui est 11e. Écoute, c'est difficile chez les hommes, mais c'est pas comme. C'est ça la beauté, on en parlait avant de rentrer en onde, c'est ça la beauté du tennis féminin comparativement au tennis masculin, c'est que tu ne sais jamais qui va gagner. Ouais, ça fait drôle à dire, hein, mais c'est vrai que le tennis féminin, ça change plus. Là, c'est-à-dire, des fois, c'est le tour à Svitolina, c'est le tour à un autre, tandis que chez les hommes, chez les hommes, c'est souvent les mêmes. Donc, malheureusement, on voit que Djokovic a fait la finale, n'a pas pu atteindre son 21e titre en grand chelem. Dommage. Mais on... Ben, c'est sûr, c'est dommage pour lui. Il était très émotif hier aussi là, lors de la finale. Il pleurait même avant que le match finisse. Puis quand le match a fini, ben là, il savait qu'il avait passé à côté. Puis il était déçu, avec raison. Mais c'est sûr qu'il faut quand même voir la relève là, avec les Tsitsipas, Chapovalov, Aliassim, Medvedev. C'est beau à voir là. Ouais. Donc, on peut être fier hein, de notre Québécois aussi. Il a vraiment joué de l'excellent tennis tout au long. Un gros service, gros coup droit. Il était vraiment en confiance, mais disons que Medvedev, là, c'est tout un joueur de tennis. Là. Et moi, je pense qu'il va en gagner d'autres des tournois du Grand Chelem. Puis il nous a démontré vraiment là, que il était vraiment dominant là, hier en finale. Puis contre Félix aussi. Gagner en 3-7 comme ça là, contre Djokovic, c'est pas évident à faire. Là. Effectivement. Donc, on va surveiller ça. Donc, c'est pas mal intéressant. On a eu du beau tennis. Moi, je suis sûr que. Comme bien du monde, quand c'est nos joueuses qui est là, ben là, l'intérêt monte d'un cran, on l'a vu, puis c'est bon pour les jeunes aussi, là. Ben oui, c'est sûr que nous, là, au club de tennis, c'est notre début de saison, puis le téléphone sonne, puis les gens veulent inscrire leur enfant, puis tu sais, ça crée un engouement, puis parce que tu sais, ça devient comme un peu des modèles, hein, eux autres, là, c'est les jeunes regardent ça, puis là, ils se disent ah oui, si elle a fait ça, ben moi j'aimerais ça aussi. Puis c'est, c'est quand même des Québécois, là. C'est pas juste des Canadiens, donc c'est très, très proche de nous. Puis là, il y en a qui l'ont connu ici là, au Saguenay avec le Challenger. Félix Auger-Aliassime est déjà venu aussi à deux reprises faire le championnat québécois 14 ans et moins. Puis un fait cocasse, il n'avait jamais gagné le championnat québécois 14 ans ici. Ben, il a perdu en finale, puis là, il est rendu 11e au monde. Donc, c'est assez incroyable pareil. Mais tu sais, on est vraiment fiers de notre relève. Puis en tout cas, les gens sont excités, hein. Ils veulent, il y en a qui veulent apprendre à jouer au tennis, ils veulent que leur enfant commence à jouer, puis les enfants regardent ça, puis c'est sûr que c'est inspirant aussi. Fait que tant mieux. Comme John McEnroe a dit, il n'y a pas juste des bons joueurs de hockey au Canada, il y a d'excellents joueurs de tennis, puis il avait tout à fait raison. Là. Effectivement. Caroline, on se parle dès que l'actualité du tennis va l'exiger. C'est sûr qu'on va avoir une petite pause, mais par la suite, ça va sûrement recommencer. Parfait, ça me fait plaisir. Notre amie Caroline Delisle qui faisait le bilan du US Open.